Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Judy Garland, une vie de lumière et d'ombre. En vous appuyant sur votre propre vie, quel conseil donneriez-vous à votre talentueuse et ravissante fille, Lisa Minnelli? To your very talented and very beautiful daughter, Lisa. I don't give her any advice. Je ne lui donne aucun conseil. Elle est très sage et elle connaît les erreurs que j'ai commises et mes peurs. Et elle garde les pieds sur terre en tout temps. And she is, has her feet on the ground all the time. Judy Garland, au micro de Laurier Lapierre à l'émission This Hour Has Seven Days, présentée au Réseau anglais de Radio-Canada en 1965. Un peu comme dans la vie de Judy Garland, l'ombre et la lumière se côtoient dans cet extrait d'entrevue. La lumière, c'est l'espoir qu'elle nourrit pour sa fille, Lisa Minnelli, et l'ombre, c'est cette douleur bien audible qu'elle porte en elle et qui va l'entraîner vers la mort quelques années plus tard, alors qu'elle n'a pas encore 50 ans. Vous êtes sûre que ça va aller? À voir si je saurais le refaire. Maman? Maman, t'es là? Somewhere. Vous devriez apprendre à faire attention à vous. Vous m'entendez? Over the rainbow. Nous avons tous notre part de tourment et j'ai eu la mienne. J'ai les mêmes rêves que la plupart des gens. J'ai juste plus de mal à les atteindre, semblerait-il. Faites quelque chose contre la dépression. J'ai fait 4 mariages, peu concluants. There's a land that I... Vous ne m'oublierez pas, hein, je compte sur vous. In a land. Promettez-le-moi. Extrait de la bande-annonce du tout récent film de Rupert Gould, le film Judy. Pour nous parler de la vie, de la carrière également de Judy Garland, je reçois Éric Follanti, ancien critique de cinéma, grand admirateur de Judy Garland. Éric Follanti, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait que Judy Garland est cette si grande artiste qu'elle a été? Qu'est-ce qui fait que, quoi, 50 ans plus tard, 50 ans après sa mort, elle continue de nous fasciner autant? C'est pour moi d'abord la voix. C'est ce qui reste vraiment, parce qu'on a beaucoup d'enregistrements de tous ces disques. Et c'est une voix qui dépasse tout à fait les époques, les modes, les générations. Dans les fans de Garland aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont déjà vue en spectacle, donc 70 ans et plus, et des jeunes aussi. Et c'est comme les voix de Piaf, de Billie Holiday, ces voix qui sont très, très uniques et qui parlent avec beaucoup d'intensité et d'émotion, qui parlent directement aux gens. Ouais. Il n'y a aucun filtre, il n'y a aucun... Ça nous va droit au cœur. Exact. Ouais. Donc, grande voix. Et puis, il y a ce film récent qui veut parler aussi de cette vie quand même. Un destin assez singulier. C'est vraiment une enfant du showbiz, Judy Garland. Parlez-moi de ça d'abord. Commençons par le début. Quel genre d'enfance elle a, la jeune Judy? Elle a une enfance passée à travailler. Elle a commencé à 2 ans et demi, où elle chantait sur la scène du théâtre que ses parents avaient. Et ensuite, elle a fait des tournées. Ses parents ont créé avec ses deux sœurs les Gum Sisters, qui allaient en Californie, à Chicago, partout. Et c'est des petites qui bien sûr, allaient un peu à l'école, mais qui travaillaient beaucoup, ouais. Poussées par leur mère, qui, elle, avait toujours rêvé d'être une vedette et qui vivait un peu par procuration ses rêves de gloire. Et Judy était vraiment, même si c'était la plus petite, son surnom c'était Baby Gum, était la vedette de ce trio. Et elle a fait ça pendant toute son enfance, toute ouais. son adolescence. Et à 13 ans, elle se fait remarquer par la MGM. C'est quand même pas rien. Elle est mise sous contrat par la Metro-Goldwyn-Mayer à 13 ans, Éric Follanti. À 13 ans et sans aucun screen test. Oh. Alors, c'est simplement en l'entendant chanter que l'assistante de Louis B. Mayer a dit « il faut absolument qu'on la prenne ». Ils n'avaient aucune idée quoi faire d'elle, parce qu'elle avait 13 ans, elle était loin d'être laide, même si Louis B. Mayer la surnommait ma petite bossue. Mais c'était une adolescente qui savait pas trop, c'était plus une toute petite fille, c'était pas encore une jeune femme, ouais. Et eux savaient pas trop dans quelle case la faire rentrer. On voit qu'il y a du talent, et ça va donner très vite ce qui suit. Trouver un endroit où l'on n'est jamais dans l'eau. Tu ne crois pas qu'il existe ce pays-là, Toutou? Il doit y en avoir un. C'est un pays où les gens ne vont pas par le bateau, ni par le train. C'est loin, bien loin. Plus loin que la lune. Plus loin que l'arc-en-ciel. C'est en 1939 que Judy Garland devient célèbre avec son rôle dans le film Le Magicien d'Oz, dont on vient d'entendre un extrait. Et puis cette chanson, évidemment, Over the Rainbow, qui reste aujourd'hui encore l'une des grandes chansons de l'histoire du cinéma. Ce rôle-là va lui valoir un Oscar, l'Oscar de la meilleure actrice, Eric Forlanti. Racontez-nous un petit peu cette histoire-là, l'histoire de ce film, l'histoire de cette chanson, l'importance que ça aura pour elle, tout ça. Mais le film, avant même que Garland y soit associé, était très, très attendu. C'est une histoire qui était déjà très populaire, qui date de 1900, je pense, du début du XXe siècle. Et donc, la MGM voulait en faire un très gros projet en couleur, ce qui n'était pas si fréquent à l'époque. C'était l'année d'Autant d'emporte le vent, donc les films en Technicolor étaient beaucoup plus chers. Les comédies musicales sont toujours assez compliquées à faire et très onéreuses. Et la MGM voulait Shirley Temple pour le rôle qui avait bien plus l'âge du rôle que Garland, qui à cette époque-là avait 16-17 ans. Ouais. Les studios qui géraient, on peut dire, Shirley Temple ayant refusé, MGM n'était pas obligé, mais bon, ils ont décidé que c'était Garland. Ils lui ont fait une robe qui écrasait sa poitrine parce qu'elle était beaucoup trop âgée pour le rôle. Le tournage a été très long, mais comme celui d'Autant d'emporte le vent l'avait été aussi, là, long et un peu compliqué. Et la chanson Over the Rainbow devait être coupée parce que le studio trouvait qu'il fallait arriver plus vite dans la partie en couleur, ça, c'est incroyable. Que le rythme était trop lent, que c'était un peu déprimant comme chanson. Et c'est le producteur Arthur Freed du film, qui s'occupait du film, qui s'est battu bec et ongles pour qu'il reste. Donc, on a failli ne pas avoir. Voilà, considérant ce que c'est devenu, on peut le remercier, lui, voilà. et le flair qu'il a eu. Et Garland a gagné un Oscar Juvenile, je ne sais pas comment le dire en français, Juvenile, qui était un Oscar spécial. C'était le grand regret de sa vie, elle n'a jamais gagné de vrais Oscars. D'accord. I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Old man Trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams. I got my man who could ask for anything more. Who could ask for anything more? Quand je vous ai demandé au tout début de l'émission, Eric Forlanti, pourquoi Judy Garland était la grande Judy Garland, vous m'avez tout de suite parlé de sa voix. Et cette voix qu'on vient d'entendre encore une fois avec cette chanson « I Got Rhythm », elle va la mettre en valeur en 1943. Dans tous ses films, on l'entend chanter, ou à peu près. 1943, c'est l'année de « Girl Crazy ». Ça nous permet de parler de cette collaboration longue entre elle, Judy Garland, et Mickey Rooney. Ils feront partie de ce film, tous les deux. Cela dit, c'est... parlez-moi, mais c'est un peu une tentative de résurrection d'une recette qui a bien marché, ce film-là. Oui, parce qu'au départ, Garland ne voulait pas faire ce film-là parce que c'était revenir ce que le studio voulait faire en réunissant Mickey Rooney et Judy Garland, c'était reprendre le succès qu'ils avaient eu dans les 5 ou 6 films précédents, je pense, où ils faisaient la série des Andy Hardy, qui est une espèce de glorification de l'Amérique de ces années-là, blanche, bien-pensante, propre, etc. Et elle avait 21 ans à l'époque, voulait aller un peu ailleurs. Elle ne voulait pas revenir dans ce que les Américains appellent « let's put on a show film ». Et c'est à peu près l'histoire du film, ces deux jeunes qui prennent une grange et qui font un spectacle. Et en plus, c'était réalisé par un Busby Berkeley, qui a été très connu dans les années 30 pour ses chorégraphies de danseuses qui faisaient des images kaléidoscopiques. Oui. Mais qui était un tyran sur scène et Garland, c'est sur ce tournage-là que Garland a commencé à montrer des signes d'épuisement professionnel très grave, parce que ça faisait déjà longtemps que le studio et sa mère d'ailleurs lui donnaient des pilules pour dormir, des pilules pour se réveiller, lui interdisait de manger. Quand on parle de lumière et d'ombre, en parlant de ce parcours de Judy Garland, c'est ça, c'est beaucoup de lumière, c'est une grande star qui fait faire énormément d'argent au studio, mais pour elle, c'est une vie à certains égards infernale, de grande discipline. C'est ça, elle tourne film sur film, alors qu'elle est gamine encore, ou à peu près, la jeune adulte. Oui, elle tournait deux ou trois films par année, et son image à l'écran, elle incarnait la joie de vivre, l'Amérique triomphante et innocente, etc., alors que dans la vie, c'était quand même autre chose. Oui. 1944, c'est une date importante. Elle tourne le film Meet Me in St. Louis, le chant du Missouri en français. C'est le premier film qu'elle va tourner avec Vincente Minnelli, qu'elle va ensuite épouser, avec qui elle aura sa fille, Lisa Minnelli. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year on... Quel est le premier film que vous avez fait avec Judy Garland? You work with her. Meet me in St. Louis. Meet me in St. Louis. Judy ne voulait pas le tourner. Judy est venue me voir. Moi, le jeune metteur en scène venu de New York, en pensant qu'elle en aurait pour 5 minutes. C'est pas très bon, dit-elle, n'est-ce pas? Et j'ai répondu, moi je trouve ça merveilleux. J'aimais le livre de Sally Benson parce que c'était une histoire vraie. Et Judy a finalement accepté jusqu'à la fin. Elle a été parfaitement satisfaite. For the rest of the time, she was completely satisfied. So have yourself a merry little Christmas. C'est Vincente Minnelli qu'on entendait à la télé française en 1977. Ce film-là, Le chant du Missouri, c'est un film très important pour Judy Garland et Eric Forlanti, de différentes manières d'ailleurs. Pourquoi? D'abord, au plan professionnel, c'est le premier rôle de jeune femme et non plus de fillette chantante qu'on lui donne. Ce rôle fait sous le regard aimant et extrêmement attentionné de Minnelli, ce qui va lui plaire. Et c'est vraiment, on la voit dans ce film-là, et c'est le papillon qui sort de sa chrysalide. Ouais. Et dans sa vie privée, important bien sûr, parce que ça va être... Elle avait déjà été mariée une fois assez rapidement avant, mais ça va être son premier mari important, et donc premier enfant. Et le film a été un énorme succès, a consolidé son statut de vedette tel qu'elle l'entendait face au studio, qui ne pouvait plus revenir... Au film de sa jeunesse, de son enfance. Et là, ce sera... La vie de Judy Garland, c'est un peu les montagnes russes, mais j'allais dire, là, ce sera un premier âge d'or pour elle. Oui, tout à fait. Ouais. Premier âge d'or, qui est de 44 jusqu'à 48. En gros, les années de guerre, Garland a été extrêmement populaire. Elle a tourné un peu moins, mais tout de même... Et vous parliez de montagnes russes. Elle a eu des succès comme Easter Parade avec Fred Astaire, le Pirate qui a peut-être vraiment un succès, mais avec Jane Kelly. Et à côté de ça, ses problèmes personnels augmentaient de plus en plus. Son mariage avec Minnelli battait de l'aile parce que lui était marié plus avec les studios qu'avec sa femme, disons, ouais. Qui était une femme qui avait besoin d'une attention constante. Et donc, à la fin des années 40, la MGM, après l'avoir remplacée sur 3 tournages, met fin à son contrat. Elle a tourné 28 films en 15 ans. Le studio a fait des millions de dollars avec elle et ils l'ont jeté comme comme un produit dont on ne peut plus se servir parce que ces studios-là étaient surnommés des usines à rêves. C'est pas pour rien. C'est pas un rêve qu'il faut retenir, c'est usines. C'était vraiment des usines. Et donc, elle avait 28 ans et elle n'avait rien devant elle. Tout s'arrête, tout s'effondre devant elle. Mais elle va rebondir par la rencontre, entre autres, de celui qui sera son troisième mari, Sidney Luft, en 1951. Il est aussi son agent. Et ce rebond-là va se faire par la scène, en fait. Sous la lumière, mais des projecteurs de la scène? D'abord par la scène, parce que d'abord elle avait aucune offre au cinéma, et son mari va la convaincre de revenir, en fait de débuter sur scène, parce que Garland, bizarrement, à part son enfance avec ses sœurs, n'avait aucune expérience de scène, n'était jamais monté sur scène à part une fois en 1943. Et son mari va la convaincre d'aller en Angleterre, parce que c'est loin d'Hollywood, parce qu'elle est extrêmement populaire comme actrice de cinéma pendant les années de guerre, et elle va faire un récital pendant un mois au London Palladium, où elle va battre plein de records, elle fait une tournée en Angleterre, et portée par ses échos positifs, Sid Loft et Garland vont retourner aux États-Unis, et Sid Loft va faire réouvrir le Palace de New York, qui était devenu un cinéma miteux, qui dans les années 30 était une salle de théâtre extrêmement connue. Et là encore, elle va chanter, je pense, pendant 16 semaines, enfin c'était un record absolu, et elle va faire une tournée triomphale, et là, les offres, mais Sid Loft va produire A Star Is Born à Hollywood, parce que... En 54, elle voulait aussi reconquérir Hollywood. Elle voulait leur montrer qu'elle n'était pas finie, elle n'était pas juste bonne, entre guillemets, à donner des spectacles. Le film va être assez compliqué, mais comme toujours, ces films-là ne se font jamais simplement, mais le studio l'a amputé de trois quarts d'heure avant de le sortir, pour pouvoir le passer plus souvent dans la journée. George Cukor, le réalisateur, va renier ce film-là. Mais Garland donne une performance incroyable. Tout le monde lui prédit l'Oscar. Elle est en nomination. Et tout le monde pense tellement qu'elle va le gagner que CBS, je pense, la chaîne de télévision qui retransmettait la cérémonie, installe une tour en dehors de sa chambre d'hôpital, parce qu'elle venait d'accoucher de son fils, son troisième enfant. Et c'est Grace Kelly qui a gagné. Donc, à partir du moment où le nom de Grace Kelly a été annoncé, tout le monde est parti. Et ça a été, pas le début de la fin, mais ça a été un coup très, très dur pour Garland, parce que là, elle a compris qu'elle ne pourrait jamais regagner cette popularité, à Hollywood en tout cas, qu'elle avait connue. Ce qui fait qu'à la fin des années 50, c'est encore une fois, on le disait, les montagnes russes, un creux de vague. Là. Oui, un creux de vague. Les années s'additionnant, les creux de vague sont de plus en plus profonds. Ouais. Parce qu'elle travaille sans arrêt. Elle fait c'est ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire de la scène. Les tournées sont épuisantes. À la fin des années 50, elle pèse 180 livres alors qu'elle mesurait 4 pieds 11. Son foie avait quadruplé de volume. Enfin, les médecins l'ont déclaré officiellement semi-invalide. Vous ne pourrez plus jamais chanter, vous pourrez peut-être marcher, mais c'est pas sûr. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the wrist. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'après 9-11 encore, j'étais vraiment déçu avec les États-Unis. Mais pas à cause de 9-11, mais à cause de la réaction qu'on a eue comme avec la guerre en Irak et tout ça. Puis j'étais tellement triste. Il y a un album que Judy Garland a fait, un live à Carnegie Hall en 1961. Et tout le temps, quand je mettais cet album, c'était la seule chose qui me donnait l'espoir pour les États-Unis, parce que le moment qu'on entendait ces chansons et cette époque des années 60, ça m'a rappelé de tout ce que les États-Unis peuvent être, et tout l'espoir et toute l'innocence et l'excitation que ça peut apporter au monde. Alors ça m'a vraiment un peu soigné durant ces sombres jours après, durant la guerre. C'est à nouveau par la scène et par la chanson en particulier que Judy Garland va renaître de ses cendres au début des années 60. Ce spectacle à Carnegie Hall qui va donner ce disque dont parlait le chanteur Rufus Wainwright dans l'extrait qu'on vient d'entendre à l'émission de Christiane Charette en 2007. Ce spectacle-là, donc, à Carnegie Hall, c'est un petit peu, Éric Forlanti, ça représente bien en tout cas ce que va être cette renaissance de Judy Garland sur scène, encore une fois, dans les années 60. Oui, ce spectacle qui est devenu un petit peu mythique et qu'on peut écouter aujourd'hui, plus 50 ans après, ce spectacle était un peu l'apogée d'une tournée, d'une renaissance, comme vous avez dit, qui venait, on ne sait pas d'où. Cette femme avait une capacité, c'est pas pour rien qu'on la surnommait le phénix, de capacité de renaître de ses cendres. Et Carnegie Hall est cette espèce de moment magique où les astres se sont alignés, où tout était en place pour que ce soit une soirée exceptionnelle qu'on a conservée heureusement sur disque et qui va avoir des conséquences, des répercussions. Elle va faire un spécial télé avec Frank Sinatra et Dean Martin qui va être regardé par des millions de personnes. Et CBS va lui proposer un contrat pour une émission hebdomadaire, un contrat de 24 millions de dollars, ce qui à l'époque était énorme. Et ce qui était très important pour Garland, c'est qu'avec ce contrat-là, elle se disait « je n'aurai plus à travailler ». Et mes enfants auront tout ce qu'il faut, parce qu'elle était en guerre avec son ex-mari pour la garde des enfants. Mais donc, encore une fois, comme disait, c'est l'ombre et la lumière, où professionnellement, tout allait très bien, mais ouais. Elle se battait pour ne pas replonger. Ouais. Et comme elle va replonger, et à nouveau, donc, elle va en payer le prix, les codes d'écoute, je pense, ne seront pas nécessairement au rendez-vous à la hauteur de ce que CBS envisageait. Les codes d'écoute étaient tout à fait honorables, mais en même temps, sur une autre chaîne, c'était l'émission Bonanza, qui était l'émission la plus regardée aux États-Unis. C'est impossible que quiconque, Garland ou quelqu'un d'autre, puisse rivaliser avec cette émission. Et le talent de Garland, l'espèce de démesure de Garland, cadrait peut-être pas très bien avec le petit écran. Ouais. C'est une émission qui passait le dimanche soir, les gens la regardaient en famille. Toute cette série, ces 26 épisodes-là, ces 26 heures-là, existent en DVD ou enfin ouais. sur n'importe quelle plateforme. Et aujourd'hui, je pense qu'on est mieux à même de les apprécier. C'est magnifique ce qu'elle fait. Mais quand CBS donc décide que c'est la fin de cette aventure, pour elle, c'est un nouveau coup dur. Et là, c'est à nouveau. C'est vraiment l'ultime début de la fin pour elle. Oui, parce qu'elle va mourir 5 ans après. À peu près. Tout de suite après l'annulation de la série, il a fait des spectacles en Australie qui entre autres à Melbourne, se passent très très mal. Elle se retrouve au Japon, elle est déclarée officiellement morte pendant quelques temps. Il y a certains journaux aux États-Unis qui annoncent sa mort. Elle va connaître certains succès quand même, à faire le London Palladium avec sa fille Liza Minnelli en 64, ça va être un grand succès. Elle a chanté devant 100 000 personnes à Boston avec en première partie Diana Ross et les Supremes. Il y a ça aussi, on arrive à une époque où Garland n'est plus tellement à la mode, ouais. Avec les années 60, et sa santé décline parce que ça fait plus de 40 ans qu'elle en abuse et que les autres abusent d'elle aussi. Il faut se le dire, c'est vraiment quelqu'un. Elle aurait été un homme, ça aurait été un peu différent, peut-être, un peu. Mais étant une femme, les hommes de sa vie privée et professionnelle ne sont pas gênés pour remplir leur poche et, avec son talent. Éric Forlanti, ancien critique de cinéma, grand admirateur, on l'aura compris, de Judy Garland. Merci infiniment de votre passage à l'émission. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.